Un attentat contre une famille royale. Une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. La gare de Charing Cross à Londres se trouvait à ce moment remplie de voyageurs, comme elle l'est toujours lors du départ du train continental, et l'on voyait partout des gens affairés, chargés de bagages, accompagnés d'employés cherchant à le retenir de bonne place dans les wagons. Monsieur et Madame Blanchard se trouvaient parmi la foule des voyageurs, et arrivés de bonne heure, ils avaient pu s'assurer de coin dans un wagon corridor. Depuis longtemps, ils avaient conçu le projet de visiter Londres et avaient profité de l'exposition franco-britannique où exposait la Maison Blanchard de Paris, robe et manteau, pour faire ce voyage. Les deux braves bourgeois arpentaient donc le quai de la gare, tout en surveillant avec un soin jaloux leur compartiment. Ils s'intéressaient au brouhaha et au va-et-vient de la foule, amusés des allures de certains Anglais, prêts à encombrer toutes les banquettes des wagons afin de ne pas être incommodé par la présence d'autres compagnons de route et M. Blanchard, tout en rendant justice au sens des affaires que les Anglais possèdent au plus haut degré, ne pouvait s'empêcher de faire quelques remarques à son épouse sur leur sans-gêne proverbial. Comme ils devisaient ainsi, ils aperçurent deux dames, l'une âgée et marchant avec difficulté, l'autre toute jeune, 18 ans à peine, blonde et gracieuse. Elles avançaient lentement, la vieille dame s'appuyant au bras de la jeune fille et toutes deux semblant chercher quelqu'un des yeux. Arrivées à l'endroit où se trouvaient les Blanchard, la dame âgée s'approcha d'eux et avec un accent anglais très prononcé leur demanda si c'était bien là le train de Boulogne. Saluant très poliment, Blanchard répondit affirmativement dans un anglais plutôt fantaisiste et très galamment, il aida la jeune fille à monter dans leur compartiment. Celle-ci n'avait pour tout bagage qu'un petit sac et une couverture de voyage roulée. « Et vous, madame, vous ne montez pas ?» demanda Blanchard à la dame âgée. « Hélas non, monsieur, » fit celle-ci, « seule ma fille sera en France. Je ne puis l'accompagner à mon grand regret. » Puis elle ajouta, « Vous allez peut-être à Boulogne également ?»« Nous rentrons à Paris, » répondit alors madame Blanchard, « mais nous comptons nous arrêter quelques jours à Boulogne. »« Oh, madame !» fit alors la vieille dame, les larmes aux yeux. « Et vous, monsieur, seriez-vous assez bon pour veiller sur ma petite Flora jusqu'à Boulogne ? Elle doit y rencontrer une famille française dans laquelle elle entre en qualité d'institutrice. Et arrivée à Boulogne, je la sais en sûreté car on doit l'attendre à la gare maritime. Mais d'ici là, la route est longue et les mauvaises rencontres sont si vite faites. Flora est jeune, sans expérience, ne parle que très peu le français et n'a jamais voyagé. « Mais comment donc, madame ? » firent les Blanchard. « Tout au contraire, nous nous ferons un plaisir de vous rendre ce petit service, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons une jeune fille et serions heureux qu'on en fît de même pour elle. » La vieille dame, Mrs. McGear et sa fille Flora, remercièrent chaleureusement les nouveaux amis que le hasard leur avait fait rencontrer et comme on fermait les portières, le moment vint de se séparer. Mrs. McGear fit quelques dernières recommandations à sa fille en l'embrassant et le train s'ébranla. Le voyage fut charmant et la conversation enjouée, surtout que de part et d'autre, il fallait écorcher et le français et l'anglais, on arrivait tout de même à se comprendre. Comme on débarquait à Boulogne et que Flora ne semblait pas avoir le pied très marin, elle pria Blanchard de vouloir bien lui prendre sa couverture de voyage, roulée autour d'un parapluie et d'une ombrelle. Le commerçant ne demanda pas mieux que de lui rendre ce petit service et bientôt les trois voyageurs entrer à la gare maritime pour les formalités de douane. Les bagages étaient disposés sur les longues tables de bois et Blanchard ne gardait en main que la couverture de Flora McGear. Ainsi qu'il arrive souvent, quelques bagages seuls furent ouverts, mais l'œil vigilant du douanier avait remarqué la couverture de voyage. « Et là-dedans, rien à déclarer, » fit-il, « veuillez la dérouler. » Maugréant contre le zèle des employés de douane, Blanchard obéit. Ce paquet ne contenait, en dehors du parapluie, de l'ombrelle et de la couverture, que 6 ou 7 romans anglais reliés et solidement retenus au moyen d'une ficelle. Le douanier mit sa marque à la craie, et tandis que Flora McGear s'empressait de rouler de nouveau son paquet d'effets, Blanchard ne put s'empêcher de lui dire « J'espère que vous allez avoir de quoi lire. J'aime beaucoup la lecture, » fit-elle, en le regardant fixement et d'un air étrange qu'elle n'avait pas eu jusque-là. Les Blanchard, cependant, n'y prêtèrent pas attention, et la jeune fille, apercevant un homme d'une 40aine d'années, qui en s'approchant lui demanda s'il n'était pas Miss Flora McGear, L'anglaise prit congé de ses nouveaux amis en disant que c'était la personne qui l'attendait et en lui remerciant une dernière fois de leur amabilité. Puis il s'éloigna en compagnie du nouvel arrivant qui portait un costume et une casquette de yachting. Ainsi qu'ils avaient décidé de le faire, les Blanchard s'arrêtèrent quelques jours à Boulogne et le lendemain firent une excursion aux environs, s'arrêtant sur une petite plage où ils passèrent la journée. Madame Blanchard, ayant exprimé le désir de faire un petit tour en mer, ils prirent une barque, conduite par un pêcheur, et comme un petit yacht se trouvait à l'ancre un peu au large, les deux touristes demandèrent qu'on les conduisît jusque-là afin de pouvoir l'examiner de plus près. Ils en étaient à peu de distance et pouvaient apercevoir trois hommes à bord. Dans l'un d'eux, ils reconnurent le personnage qui, la veille, était venu au-devant de Flora McGeer. « Quelle chance !» s'écria Madame Blanchard. « Il va peut-être nous reconnaître et nous offrir de visiter son yacht. » Mais à leur grande surprise, l'homme les héla en leur demandant ce qu'ils venaient faire. Blanchard, vexé, lui répondit que la mer était à tout le monde et qu'il resterait là tant que bon lui semblerait. De part et d'autre, on échangea des paroles aigres douces et bientôt les Blanchard s'éloignèrent pour revenir à terre. « En voilà un mauvais coucheur !» ne put s'empêcher de s'écrier le mari. « Non mais voyez-vous ça ? Parce que ça possède un bateau, ça voudrait avoir le monopole de la mer. Poseur, va !» Quand ils se trouvèrent seuls et en retournant à Boulogne, Madame Blanchard dit, soucieuse, « Mon ami, je ne sais pas si tu as remarqué le petit canot amarré à l'arrière de ce yacht. Oui, eh bien, j'ai vu attaché par une corde et trempant de l'eau un paquet de livres reliés et ficelés qui ressemblait bien à celui de Flora McGeer. Tu es folle, voyons, trempant dans l'eau, des livres. Je suis sûr de ce que j'ai vu. » Blanchard haussa les épaules sans même répondre. On arrivait d'ailleurs à Boulogne. Le lendemain, ils firent leur promenade matinale sous la jetée à l'extrémité de laquelle se trouva une foule nombreuse qui semblait surveiller l'horizon. Ils s'informèrent de ce qu'on attendait et apprirent ainsi que le Royal Albert, yacht de plaisance de la famille royale d'Angleterre, devait arriver le matin même, ayant à son bord les enfants du prince de Galles. Les Blanchard attendirent comme le reste de la foule et s'amusèrent à regarder les barres qui se balançaient sur l'eau à quelque distance de la jetée. « Ah ! » s'écria soudain Madame Blanchard en désignant l'une d'elles du doigt. « C'était un élégant canot monté par deux hommes. « Regarde, mon ami, continua-t-elle, là-bas, ce canot. « Eh bien, c'est celui qui était amarré au yacht de ce bourru d'hier, l'ami de Flora McGeer. « Cela n'a rien d'étonnant, mais regarde bien. « Le paquet de livres dont je t'avais parlé se trouve bien encore attaché par une corde et trempant dans l'eau. « Tu vois bien que je ne m'étais pas trompé. » Et Blanchard dut reconnaître qu'elle avait en effet raison. « C'est bien curieux, » dit-il alors. « En effet, bien curieux, » fit une voix derrière eux. Les Blanchard se retournèrent et virent un homme au menton tout rasé qui les examinait avec soin. Ce regard des plus hauts commerçants qui s'apprêtaient à demander au nouveau venu s'il lui devait quelque chose, quand l'autre lui dit à voix basse, « Je désirais vous dire de moi en particulier, monsieur, et à vous aussi, madame. Éloignons-nous, car je désire ne pas être entendu. » Quand ils furent à quelque distance sur la jetée, « M'expliquerez-vous, monsieur, interrogea Blanchard, ce que cela veut dire ?» L'inconnu leur dit alors à voix basse, « Permettez-moi de me présenter. Pinson, inspecteur de la sûreté. J'ai un renseignement à vous demander. Je viens de vous entendre prononcer le nom de Miss Flora McGeer. Vous la connaissez ?»« Oui, peu, mais nous la connaissons. Savez-vous où elle se trouve ?»« Mais à Boulogne, probablement. Nous avons fait route avec elle avant-hier en revenant de Londres. » Et c'est là justement ce qui nous a fait remarquer ce paquet de livres trempant de l'eau à l'arrière de ce canot, car ma femme et moi avons reconnu là un paquet de romans anglais semblable à un autre que cette jeune fille avait dans sa couverture de voyage. C'est moi-même, ajouta Blanchard, qui ai déroulé à la douane la couverture de voyage dans laquelle il se trouvait placé, et je ne comprends pas comment. Et moi je crois trop comprendre. Veuillez me dire tout ce qui s'est passé. Les Blanchard, très mal à leur aise, firent le récit détaillé des divers événements qui s'étaient déroulés depuis leur départ de Londres, sans omettre l'incident du yacht lors de leur promenade en mer. « Merci, leur dit Pinson, ne soufflez-moi à personne de notre conversation, car vous vous êtes mis, sans le savoir, dans un fort mauvais cas. Nous nous reverrons plus tard. » Et sans en vouloir dire davantage, il disparut en toute hâte. Un accident terrible se produisait quelques heures après sous les yeux mêmes de la foule qui acclamait l'arrivée du Royal Albert. Quelques barques et canots faisaient force rames pour s'approcher du yacht royal anglais, quand un canot automobile, fendant les flots à une vitesse inouïe, se rencontra avec un élégant canot et, le prenant par le travers, le coupa littéralement en deux. Les deux hommes qui le montaient avaient cherché en vain à se sauver à la nage et s'étaient noyés. On apprit, dans la suite, que les enfants du prince de Galles, à bord du Royal Albert, venaient d'échapper à un attentat projeté par les fainéants irlandais. Mrs. McGeer et sa fille Flora appartenaient à cette redoutable société secrète et s'étaient servies de deux bénévoles voyageurs français, les époux Blanchard, pour introduire en France une torpille d'un genre nouveau, engin terrible de destruction, contenu au centre d'un paquet de livres reliés dont l'intérieur avait été habilement coupé. Cet inoffensif paquet ne devait pas éveiller les soupçons de la douane. Il avait été ensuite remis à des complices qui devaient employer l'engin pour faire sauter le Royal Albert. Mais grâce à la vigoureuse intervention de Pinson, qui joua le principal rôle, ainsi qu'on l'a deviné, dans l'abordage accidentel entre le canot automobile et l'élégant canot à l'arrière duquel flottait la torpille, l'attentat avait avorté. On ne retrouva pas Flora McGeer et le yacht, dont le propriétaire avait si mal traité les Blanchard, disparus sans qu'on pût en retrouver trace. Quant aux Blanchard, ils se sont mis à jurer de ne jamais plus rendre service à des compagnons de voyage, les apparences étant quelquefois si trompeuses. C'était un attentat contre une famille royale, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.